Je sais que c'est votre rêve, Charline. De. Pouponner, vous allez pouvoir tout donner pendant 1 heure. Mais ça dure 1 heure, vous avez de la chance, vous, hein. Ça, on sent que vous l'aviez préparée. Elle vient de loin, celle-là. Ouais, elle est énorme, hein, elle vient juste d'être trouvée. Mais je me demande si je devrais oser continuer. Je sais pas. En tout cas, notre invitée est restée dans le studio. Ouais. C'est ça qui compte. Ah, allez, petite cochonne. Allez, Laetitia, merci. On vous retrouve demain. Et en attendant, écoutez comment nous avons préparé cette émission, comme chaque matin. Salut les amis. Salut, donc ça fume ici. Bah, on s'ennuie un peu, je te dis. Vous vous ennuyez. Disons qu'on trouve qu'en ce moment on est au top et que ça va être difficile de faire mieux. Exactement. Tu sais, l'excellence, on s'habitue. Hein. Bah, alors ce que je sais, c'est que si on peut pas faire mieux, on peut faire beaucoup moins bien, justement en pensant qu'on peut pas faire mieux. C'est beau, on dirait du Didier Deschamps. Oui, bah merci. Bon, alors, écoutez, on va chercher les sujets quand même. Oui. Ou alors est-ce que votre excellence vous suffit? Il y a la COP21. Hollande dit que c'est historique. Hollande, dès qu'il va au shot, il dit que c'est historique. En tout cas, c'est un bon thème. Oui, ok, on prend. Sinon, dans l'IB, il parle des jeunes du pays. C'est l'occasion de faire un thème sur les Oui, ça c'est malin. Il y a des jeunes qui aiment Juppé, figure-toi. Oui, non, mais je me doute qu'il y a quelqu'un quinquagénaire qui aime Juppé. Non, mais c'est des vrais jeunes, Alex. Ah oui, ça c'est plus choquant, ça vaut non, un sujet. Non, c'est un bon sujet. Alors. Tu vois qu'on est fort, on a déjà trouvé deux sujets, on va s'emmerder tout à l'heure. T'inquiète pas, on va trouver quelque chose à faire. Okay. Et il y a un sujet sur le bore-out. Ah, c'est bien ça. Le burn. Non, le bore-out. C'est quoi le bore-out? Ah, bah c'est comme le burn-out, mais de l'ennui, de boring. S'ennuie au travail. T'es encore plus marrant qu'un jeune jupéiste. Eh ben figure-toi, 30% des travailleurs s'ennuient au travail. Presque 1 sur 4, mais alors c'est moi, mais ça me guette. Donc il faut surtout pas que tu t'ennuies au boulot. Non, mais trouvez-moi des choses à faire alors. Eh ben va chercher des cafés, ranger les journaux, lire les livres des invités, réorganiser. Non, si je fais tout ça, je vais être en burn-out. Ça vous fait marrer, vous aimeriez que je sois en burn-out? Non, mais je pense que là quand même on est à l'abri. Ah, pourquoi tu dis ça? Bon, on a de la marge, hein. De quoi? Bah viserait qu'en burn-out, c'est aussi improbable qu'un jeune jupéiste. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui remonte l'actualité à contre-courant. Et voici les trois informations qui vont fendre la brise jusqu'à 18h. La conférence climat approche. Le président veut en faire un moment historique. Hollande s'est soudain converti à l'écologie. Il a même un petit peu trop converti le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet. Il est très très vert. Mais arrête Jean-Pierre, je suis en train de vomir. Dans la France de 2015, il existe des jeunes juppéistes. Hein, ce doivent être les enfants des jeunes giscardiens, je ne vois que ça. Les jeunes avec Juppé, ils ont la niaque. 36-15 code qui n'en veut pour les jeunes qui n'en veut. Aujourd'hui, un jeune qui n'en veut. Bonjour Bruno, comment t'appelles-tu? Après le burn-out, voilà qu'on s'inquiète du contraire. Le bore-out, de boring, s'ennuyer. Oui, l'ennui au travail. Ne dites pas trop fort parce que Emmanuel Macron pourrait l'entendre. Alors j'arrive, mon vieux pop-ball, il nous donne du travail comme 4. Heureusement, on était 8. Pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui avec lequel on ne risque pas de s'ennuyer au travail. C'est Alex Vizorek. Mais non, je ne peux pas dire. Bonjour, Charline Denonacker. Et aujourd'hui, autour de la table, une toute belle équipe. À 17h20, avec lui, c'est un échange gagnant-gagnant. Lui vient nous apprendre la musique. Et nous, on lui apprend la concision. Bonjour, André Manoukian. Eh bien, vous êtes des super mauvais profs. Vous, un mauvais élève. De quoi allez-vous nous parler? Bonjour, Alex. Bonjour, Charline. Je vais vous parler d'un courant musical qui commence à faire fureur. Ce sont de jeunes garçons qui chantent avec des voix de filles extrêmement romantiques. Ça s'appelle de l'électro-soul. Et mon chanteur aujourd'hui s'appelle Nicholson. Rien à voir avec Jack. Très bien, à 17h30 avec lui, nous sommes dans un échange perdant-perdant. Il vient nous dire que le monde tourne mal et nous on lui explique que c'est aussi peut-être en partie de sa faute et de tous les gens qui l'interrogent. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Et ben moi je me suis intéressé aujourd'hui au cas Morano en posant la question à des membres de sa famille politique. Est-ce qu'elle ne serait pas tout simplement complètement débile? Écoutez, moi je vous garde vos mots, ce sont les vôtres. Ouais, ils ne débandent pas, a priori. Et à 17h40 avec elle, c'est un échange donnant. Elle vient nous donner sa vision d'un ouvrage et nous, on lui donne énormément d'affection. Affection qu'il ne trouve en général que dans les bras de ce Johnny Walker. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour, ma mère, elle est contente. Eh bien, moi, je vais vous entretenir de Pensées classées de Georges Perec. Alors, ouais, ça a l'air sévère, mais pas du tout, c'est chatoyant. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous René Coty. Vous devenez équipier d'Éric Tabarly en 73, quand Brigitte Bardot arrête le cinéma. Vous remportez la Route du Rhum en 86, quand Gainsbourg déclare sa flamme éméché à Whitney Houston. Vous gagnez pour la troisième fois la solitaire du Figaro, c'est en 95, quand le système GPS est déclaré pleinement opérationnel. Et donc vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes... Philippe Poupon. Oh, c'est lui. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Et qu'est-ce qui nous prouverait que vous êtes le vrai Philippe Poupon? Il n'y a rien de spécial qui pourrait nous le prouver? Je vous en prie. ce silence de marin. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Alors, votre épouse Géraldine Danon publie Fleurs australes en famille sous les tropiques, c'est publié chez Gallimard. Alors, un ouvrage quand même fait à deux, parce que sans vous, à la barre du bateau Fleurs australes, il n'y a pas de bouquin, j'imagine. Elle aurait écrit Métronome. En famille sous les tropiques, Philippe Poupon, vous pensez pas que vous allez énerver les gens? En famille sous les tropiques. Bah écoutez, en tout cas les tropiques existent et c'est une large bande hein, qui est sur notre belle planète. Et bah c'est pour nous, hein, j'irais une partie intermédiaire parce qu'on est plutôt attiré par les pôles. Mais ces tropiques recèlent vraiment de beaucoup de belles choses. Beaucoup de richesses que vous détaillez. Voilà, beaucoup de richesses et des peuples très colorés, des ambiances parfumées. Donc c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'aller sous les tropiques. Il ne faut pas s'en priver quand alors on peut y aller. Vous êtes parti du pôle Nord au pôle Sud et donc vous êtes passé par les côtes du Brésil, des îles Vierges, Porto Rico, Haïti, Jamaïque, Cuba. Tout ça fait rêver évidemment. Il y a aussi une démarche environnementale dans vous essayez de sensibiliser les populations à l'environnement et au climat. Alors je me posais la question, à Cuba ou en Haïti, il y a peut-être d'autres préoccupations avant l'environnement. Il y a la préoccupation de pouvoir se nourrir, nourrir ses enfants, etc. Est-ce que les préoccupations environnementales sont plus difficiles à passer? Est-ce qu'il y a une sensibilisation? Est-ce qu'on sensibilise les gens différemment? Oui, je pense que c'est partout pareil, hein, parce qu'en France, on pense aussi qu'on a du mal justement à sensibiliser les gens. Mais en France, on est dans une surconsommation totale où le discours doit s'adapter, j'imagine. Oui, mais quelque part, c'est peut-être plus facile là-bas parce qu'ils ont peut-être moins de problèmes. En tout cas, ils ont moins d'envie de consommation. Donc, il est peut-être temps d'agir sur ces pays qui sont émergents. Et voilà, non, je pense qu'à chaque fois, on a rencontré plutôt des gens qui sont pas occultes à ce problème. Je crois que ça se diffuse un peu partout, pas forcément qu'en France. C'est une préoccupation universelle. Oui, j'ai l'impression. Oui, et ça vient bien sûr des jeunes, ça vient de la pollution que l'on voit de plus en plus. Donc, je crois que le message passe un petit peu partout. Alors, c'est un album. Il y a énormément de photos prises par Géraldine Danon et puis de textes qui accompagnent. Oui. Il y a pas mal de photos de famille aussi finalement. Il y a vos enfants, il y a vous, etc. Parce que déjà les soirées diapo entre amis, généralement, c'est relou. Alors, comment est-ce que vous expliquiez oui, votre album, c'est moins relou qu'une soirée diapo chez des amis? Bah, écoutez, non, il y a des belles choses, il y a du texte, il y a la mer. Hein, notre environnement, nous, c'est quand même le voyage par la mer. Donc, on a un autre regard, justement, sur cette mer qui est vraiment aussi... il est primordial de la préserver, de la sauver, même dans certains endroits. Et c'est vrai qu'on a un rôle aussi de raconter, d'alerter sur la pollution des océans. Mais il n'y a pas tellement d'images de pollution dans le bouquin, c'est plutôt des très belles images. Heureusement. Mais... si on voit votre album, tout va bien. Vous auriez aimé un beau reportage sur les déchets, tout ça. Je vais vous dire. Alors, on va le faire. Publié chez Gallimard. Je prends au hasard la République dominicaine. Donc il y a une photo avec des enfants dans la mer. Et Géraldine Danon écrit « Les enfants d'ici se baignent près de tas d'immondices ». On les voit pas sur la photo. Hein. « Tandis que d'autres jouent avec des cerfs-volants confectionnés avec des sacs poubelles, ils n'ont pas l'air moins heureux pour autant. » Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il ne faut surtout pas les aider à se développer? Non, il ne faut pas enlever. Il faut laisser la pollution là où elle est. Non, je crois que, bien sûr, les jeunes arrivent à aller jouer sur la plage, mais cette plage, oui, elle est polluée, malheureusement, par beaucoup de plastique. Mm-hmm. Et dans ces pays-là, le plastique n'est pas très vieux, donc ils n'ont pas réussi à l'intégrer, à le gérer, à parler des sacs plastiques qu'il ne faut pas utiliser. Donc oui, c'est un petit peu des choses nouvelles pour eux, mais comme ça va très vite, il faut leur en parler maintenant. Donc voilà, c'est un petit peu l'action. Notre but aussi, c'est de faire connaître tous ces problèmes au fur et à mesure de nos voyages. des belles choses qui existent quand même. Il faut pas dramatiser et plomber tout le monde. On aura l'occasion d'en parler dans quelques minutes. On ne se baigne pas partout dans des, au milieu des sacs plastiques. Mais bon, évitons cela parce que c'est pas ça qui nous attire. C'est une ode aux tropiques, en tout cas un carnet de voyage. Donc à la barre Philippe Poupon et aux photos et aux textes Géraldine Danon. Ça s'appelle Fleur Australe, du nom de votre bateau. Voilà. En famille sous les tropiques, c'est publié chez Gallimard. Et il est question de mer partout sur les photos, dans les textes et sur cette antenne avec l'onde sensuelle de M. J'entends encore l'onde sensuelle de ta bouche sur la mienne. C'était si fort, c'était si beau. La philosophie de ton souffle entre mes mots. Les plumes volent encerclées par tes ondes. Mes habits collent, faut que je m'inonde. Mais je ne sais plus où donner du crâne. Ça ne répond plus, j'attends la panne. Comment t'atteindre? Mais comment t'atteindre? En sensuel, toi qui me donnes des ailes, pourrais-je te rendre un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel? Sens si romantique m'ont troublé en magique. Y a-t-il un sens à ta venue? As-tu un nom? Moi non plus. Mais comment t'atteindre? Mais comment t'atteindre en sensuel? Alex Vizorek. Il est là. Et autour de la table, nous avons André Manoukian, nous avons Guillaume Meurice. C'était l'ordre d'apparition et non pas la galanterie, sinon j'aurais commencé par Juliette Arnault. Et notre invité, c'est Philippe Poupon. Philippe Poupon et l'ouvrage Fleur Australe, publié chez Gallimard. Mais tout de suite, Philippe Poupon, vous savez, l'information n'attend pas. Et souvent pour les navigateurs, il faut vous remettre à la page quand vous revenez. Hein. Donc on va le faire tout de suite. Et un peu de boulot, on va le faire bien. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Nadine Morano a été écartée de la liste Les Républicains pour les régionales à la demande de Nicolas Sarkozy si on ne peut plus faire confiance aux gens de race hongroise. Barbara Pompili quitte Europe Écologie Les Verts. En tout cas, si elle ne sait pas où aller dormir ce soir. Oh, on n'a pas bien entendu, merci. Mais il y aura des brèves moins misogynes que cette intervention. Et on commence par la droite. Oui, avec Nadine Morano qui est remontée comme une race coucou. En effet, Nicolas Sarkozy a demandé qu'elle ne puisse pas se présenter au régional en Meurthe-et-Moselle dans le Grand Est. Ah, il veut peut-être la proposer dans le complètement à l'Ouest. Non, et il veut la proposer nulle part, ce à quoi Nadine a dit au point. Quant à Nicolas Sarkozy, je la cite, c'est même pas la peine qu'il songe à se présenter à la présidentielle, je le désingrerai. Je conseille à Nicolas Sarkozy de relire Frankenstein. Nadine Morano qui hier et ce matin a d'ailleurs fait le tour des médias pour réexpliquer ce qu'elle avait déjà dit chez Laurent Ruquier samedi soir. Voilà, les médias exagèrent, je trouve, parce que d'une part, ils pensent que ce que dit Nadine Morano est simpliste, et d'autre part, ils lui demandent de revenir, le réexpliquer plein de fois. Je pense que c'est une erreur. Effectivement, et d'ailleurs, nos confrères de BFM TV ont essayé de la réconforter en disant qu'elle était tout de même soutenue. Le soutien de Jean-Marie Le Pen, ça vous fait plaisir ? Je pense qu'il a apporté une analyse lucide de la situation. Mais oui, et ben c'est ce qui frappe souvent chez Jean-Marie Le Pen, c'est cette lucidité. En tout cas, ils ont un point commun maintenant, c'est qu'ils vont tous les deux essayer de couler leur propre formation. Ici à droite, ils sont tous contre Morano. Ah, sauf Estrosi, qui ne l'accable pas. Oui, hein. Mais ça c'est de la prévention, parce qu'il se dit que si tous les gens qui disent une connerie sont virés, il n'est pas loin de ne pas arriver jusqu'au régional. Reprenez un petit peu. Oui, oui, oui. Donc si presque tout le monde à droite est contre Morano, ils sont tous derrière Valérie Pécresse, tous Fillon, Juppé, Sarkozy, ils étaient présents au meeting de dimanche dernier pour Valérie. Oui, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy a été très agacé par la taille de son nom sur le carton d'invitation. Ouais. Il voulait être mis en avant par rapport aux autres invités. Voilà, donc même en dactylographie, il a des soucis avec la police. C'est surtout que même en dactylographie, il a des soucis avec sa taille. Oui, de l'unité de la droite. Ah, ils sont passons bons, hein. On bosse toute la journée, mon docteur. Tu devrais essayer, ça marche. De l'unité de la droite, passons au référendum sur l'union de la gauche qui s'organise. Oui, le PS avait déjà annoncé que des urnes seraient installées sur les marchés à la mi-octobre. Et à Solferino, on ajoute que de nouvelles urnes seront installées dans les gares. Dans les gares où on pouvait déjà jouer sur un piano, eh bien dès mi-octobre, on pourra aussi pisser dans un violon. Gouvernement à présent, le ministère des Finances vient d'annoncer une réduction des dépenses. L'État veut réaliser 1,3 milliard d'économies en 2016. Oui, au cas où l'État devrait dédommager Bernard Tapie, hein, à l'issue de son procès. C'est pas faux. Du côté donc d'Europe Écologie Les Verts, après Jean-Vincent Placé, après De Rugy, après Barbara, c'est Barbara Pompili qui claque la porte. Un verre, ça va. Trois verres, bonjour les dégâts. Et on termine ce chapitre politique par l'élue marseillaise Sabrina Hout, l'élue qui avait refusé de marier deux femmes en 2014. Elle est condamnée à 5 mois de prison avec sursis. C'est con. J'aurais trouvé ça drôle qu'elle fasse 5 mois dans la prison pour femmes. Ça leur a peut-être fait réfléchir un peu. Petite page culture. Oui, pour faire le buzz aux États-Unis, Stromae, et il l'appelle Stromae là-bas, il a fait une vidéo où il s'est marié avec, écoutez bien. For coming out to witness this beautiful ceremony of love between Stromae and the lovely Stromae. Il s'est marié avec lui-même. Alain Delon lui a envoyé ses félicitations et a mentionné que dans ces conditions-là, il pourrait également se marier. Et on termine par ce titre, Alex ? Oui, qui nous vient du Journal de Montréal et qui ne nécessite aucun commentaire. Elle se retrouve à l'hôpital après avoir utilisé de la mousse isolante comme mousse à cheveux. Et si ça vous fait rire, bon, ce n'est pas radiophonique, j'ai la photo de cette dame. On peut sans doute se procurer sur les internets. Oui, c'est sûr, tapez Journal de Montréal sur votre internet. On peut les applaudir sans déconner, Guillaume. Oh là là, vous en faites Nous sommes toujours en compagnie de Philippe Poupon. On va remettre l'église au milieu du village avec vous, Philippe Poupon. On va revenir à la véritable information. C'est vrai, c'est une bonne dame. C'est pas gentil, c'est vrai. Revenons à des considérations un petit peu plus prosaïques, n'est-ce pas ? François Hollande veut laisser la trace d'un président vert, Philippe Poupon. Mais enfin, l'enjeu n'est-il pas justement de laisser le moins de traces possible ? Alors, ça y est, vous êtes enfin décidé à trier vos déchets ? Ah bah, disons qu'on accentue l'effort, hein. 1000 points quand même. 1000 points de... Bah oui, le tri sélectif, hein ? Le concours d'éco-gestes organisé par le collège. Parce que nous, entre le tri sélectif et les changements d'ampoule, on est déjà à 3500 points à la maison. Hein. Bon, je vous cache pas que c'est quand même un petit peu enquiquinant. Ah oui, le concours. Alors, et vous en êtes à combien chez vous ? 6000. Net. Bonne soirée. Un extrait de la série Fais pas ci, fais pas ça. Alors, 3 jeunes sur 4, d'après un récent sondage, pensent que la COP21, la conférence sur le climat qui a lieu à la fin de l'année à Paris... C'est une drogue. Je pique, très bien joué. 3 jeunes sur 4 pensent que ce sommet va déboucher sur un échec. Alors, vous, Philippe Poupon, qui sillonnez les mers, et vous venez encore de nous le prouver, de nous le rendre dans un très joli album publié chez Gallimard, hein, Fleur Australe, est-ce qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens et qui laisse espérer que la situation peut s'améliorer. Vous, est-ce que vous avez vu de vos yeux vus des choses là, vous pouvez nous rapporter un petit peu de positif dans toute cette histoire. Là, on va croire dans les politiques, mais moi, je crois plus dans les initiatives personnelles, comme je l'ai dit, les associations qui œuvrent un petit peu partout. Là, ça bouge. Et ça la bouge. Solution vient du local, vous voulez dire? Bon, non, mais là, les politiques sont là pour se rassembler, pour décider. Donc, on ne va pas quand même leur souhaiter un échec. Au contraire, je souhaite qu'ils arrivent à trouver une solution d'entente. Ça serait bien. Mais bon, voilà, quoi qu'il arrive, il faut que ça bouge ailleurs, et ça bouge ailleurs, donc voilà, continuons. Alors, le local, c'est bien, mais il faudrait quand même que la Chine, les États-Unis, etc., qu'il y ait un accord global pour que le réchauffement climatique n'excède pas les 2 degrés. Je suis optimiste, donc si François Hollande a pris son bâton de pèlerin vert, très vert, tant mieux, tant mieux. Pour. Mais alors, les jeunes qui sont absolument désespérés, apparemment 3 jeunes sur 4 disent « Oh, ça va finir sur un échec ». Oui, parce que je crois que les politiques ne rassemblent pas, ne nous donne pas le message clair, franc, voilà. Donc c'est un petit peu ça, je crois, cette petite statistique, mais voilà, sinon je... Mais en même temps, la montée du niveau de la mer, ça vous arrange? Ça vous fait plus de place pour naviguer? C'est une bonne idée. C'est quand même chouette. C'est vrai. Mais est-ce que des gens comme vous, parce que là, Nicolas Hulot dans ses bagages, je sais pas s'il vous inspire confiance, il vient quand même différemment du niveau politique que tous les présidents ont eu Nicolas Hulot dans leur bagage. C'est pas entièrement faux. Je crois que, en tout cas, en France, Nicolas Hulot a été l'un des premiers à faire bouger les choses. On peut pas lui reprocher, en tout cas, il y a quelques années, d'avoir diffusé cette information. Je crois qu'il a fait, pour sa part, bouger les choses, et tant mieux, c'est super ce qu'il a fait. Il a associé dans toutes ses missions la beauté des pays et la fragilité, donc c'est nous aussi, c'est ce qu'on veut transmettre, cette fragilité, mais aussi cette beauté. Il faut quand même donner espoir à nos enfants, et nous, on en a justement avec nous, vraiment. Vous êtes parti en famille, je rappelle. Voilà, oui. Marion a 7 ans, Laura 9 ans, Lou 15 ans, une autre fille qui a 18 ans. Voilà, donc on a tout. C'est sûr que quand on fait un tour du monde à cet âge-là, on est sensibilisé à l'environnement, mais tout le monde n'a pas cette chance. Oui, mais c'est par les jeunes aussi. Il y a beaucoup d'actions dans toutes ces associations, les marins et tous ceux qui sont conscients de cette fragilité, danger de la mer. On organise autour de nous des choses avec les établissements, les collèges, de façon à ce qu'il y ait, que ce soit disséminé un petit peu partout. C'est ça qu'il faut. L'éducation, donc, est la clé. L'éducation, bien sûr. Oui. Mais quand même, on souhaite la réussite de la COP21. Et oui. Soyons un peu plus optimistes que les jeunes. Et on y croit. Mais oui, il paraît que François aille au charbon. Oui, François Hollande le rappelle, d'ailleurs, dans le Parisien Magazine, qui est paru vendredi, il rappelle qu'il a appris à toujours éteindre la lumière quand il quitte une pièce. Ah, voilà. C'est un début. Il change le monde. C'est le début de la conversion écologique. Ça démarre par là, n'est-ce pas, André Manoukian? Mais oui. Et la conversion musicale, c'est pourquoi? Ah, la conversion musicale. Surtout, j'ai posé une question essentielle et je compte sur vous, mesdemoiselles, pour y répondre. Pourquoi les hommes ont-ils du mal à pleurer? Parce qu'on ne les a pas entraînés dès le départ. C'est culturel. C'est culturel. C'est l'image de soi-même. C'est lié à la virilité. Charline, c'est la faute. Il y a plusieurs causes. Il y a des chercheurs qui se sont penchés un petit peu sur la question. La faute à la testostérone. Pardon, en cas de stress... Parce que quand on pleure, on pisse moins, peut-être? La testostérone dégage, en cas de stress, c'est-à-dire d'agression, quelque chose qui vous ferait pleurer, un mécanisme de défense qui va provoquer la colère plutôt que les larmes. On est programmé génétiquement pour ça. Et comme ça, quand on... Tout d'un coup, la colère va couper court à toutes les émotions, et c'est une manière de s'en sortir. Alors que si on se laisse submerger, on peut être en danger. Deuxième hypothèse émise par des scientifiques, mais là, je la laisse à votre jugement, les hommes utiliseraient surtout le côté gauche de leur cerveau, qui est celui de la logique. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pleurer, c'est con? Scientifique s'appelle Éric Zemmour. Hein. En lisant ça, je me dis, tiens, c'est bizarre, et le cerveau droit, c'est quoi? En fait, moi, je crois que je marche plutôt avec mon cerveau droit, qui est plus celui de l'émotion. Bref, alors, cette étude qui fait qu'on utiliserait plutôt le côté gauche, ça veut dire que tout d'un coup, le stress soumis à une étude rationnelle a plus de chances d'être évacué, encore une fois, que quand on est submergé par l'émotion. Ça va même tellement loin, cette affaire-là, que Philippe Poupon, vous, en tant que navigateur, vous connaissez cette expression anglaise « stiff upper lip ». Ça veut dire la lèvre supérieure toujours droite. Stiff upper, stiff droit. Enfin, upper. Philippe, vous ne le connaissez pas cette expression? Donc, c'est avec ça. Étonnant pour un navigateur. C'est avec ça que les Anglais ont conquis le monde. C'est avec cette expression-là. Parce que stiff upper lip, ça veut dire quoi qu'il t'arrive, maîtrise toujours tes émotions. On vient de t'apprendre une nouvelle terrible. Tu fais comme si ça t'affectait pas. Que la lèvre ne tremble pas. Que la lèvre ne tremble pas. Vous savez, la lèvre, c'est la moustache. Et moi, je transpire de la moustache dès qu'une jolie fille chante. Mais donc, je suis très mauvais pour ça. Ne jamais avoir l'air étonné, comme disait Lelouch dans l'itinéraire d'un enfant gâté. Alors, les larmes, troisième explication, sont un outil de communication. En fait, elles sont adressées aux autres comme un appel de secours. Les hommes qui sont plutôt pudiques n'ont pas envie de dire « Eh les gars, ça va mal ». Quatrième explication, pleurer. Et pour les hommes, un aveu d'impuissance. Le mâle préfère agir, ce qui le pousse parfois à faire n'importe quoi. En tout cas, c'est une belle chronique musicale. On apprend plein de choses. Comme envahir l'Irak, par exemple. Alors que Bush aurait mieux fait de s'asseoir et de pleurer un bon coup, on serait moins dans la merde. Donc, en s'empêchant de pleurer, les hommes ratent tout. Maintenant, question, ça fait quoi aux filles, un garçon qui pleure? Ça dépend c'est qui. Bon, certains disent qu'en fait, elles sont pas vraiment rassurées. Alors, il faut savoir, vous voulez le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. En fait, ce qu'il y a de plus beau, c'est quand un garçon pleure, mais qui transforme son chagrin en musique. Voilà. Belle intro. On y est. Et c'est ce que fait Nicholson. Pas Jack, mais l'artiste dont je vous parle aujourd'hui. Quand il chante, on dirait qu'il pleure, c'est sublime. Les filles, allez sur internet, il est beau comme un camion. Il faut le voir, il a un débardeur blanc. Il est derrière son clavier, il a un vieux micro Neumann placé à distance, les yeux fermés, et il est habité. Que dis-je ? Inspiré, il donne libre cours à sa sensibilité. Il s'inscrit dans la mouvance électro-soul, ceux qui chantent avec leur âme et des machines électroniques. Électro et les larmes, ça fait court-circuit quand même. Alors, il se place dans la lignée dans une belle lignée où il y a Asgeir, il y a Chet Faker, il y a James Blake, mais le saint patron du genre, c'est Thom Yorke, le chanteur de Radiohead. Dès l'Antiquité, il y avait deux styles de musique déjà. Les musiques de fête et les musiques de funérailles, le lamento. Le lamento, c'est l'expression du paradis perdu. Ça nous ramène à regretter ce temps où nous étions de purs esprits batifolants dans l'Éden sans conscience de notre nudité. Mais au-delà de la plainte, il y a dans ce chant l'éloge de l'androgynie. Au fond, la beauté, c'est un peu de masculin dans du féminin et un peu de féminin dans du masculin. Les bas-reliefs égyptiens qui représentent les visages de Ramsès et de Néfertari, quand vous leur enlevez leur coiffe de pharaon, en fait, c'est pratiquement les mêmes. La Joconde, avec sa mâchoire carrée, elle fascine le monde entier parce qu'elle a quelque chose de masculin. Les castrats de la Renaissance rendaient les filles folles, elles leur jetaient leurs culottes à la figure. Chez Michou, que vous avez cité. Ainsi, cette androgynie musicale, ce courant dont je suis en train de vous parler, vers lequel nous allons, et qui angoisse les déglingos de tous bords, est salvatrice pour les garçons comme pour les filles. A kind man, oh, I know. loves both his children and he's never treated them poor. Thirty years later, different story. Her fairy tale was changed. She didn't know what hit her. He broke her. Her life just seemed in vain. C'est beau, c'est Nicholson, on vient d'écouter Bad Men. Très étonnant, vous avez proposé une chose belle, André. Ça s'est passé. Mais André, vous avez une question pour notre invité Philippe Poupon. Mais oui, parce que je regardais les magnifiques photos de son livre et je me disais, mais écoutez cette musique-là, sous le soleil des tropiques, j'allais dire, ça doit être génial. Philippe, vous écoutez quoi comme musique quand votre voilier file comme ça dans des paysages paradisiaques? Si vous répondez Patrick Sébastien, il va être hyper déçu. Hein, ou peut-être vous n'écoutez rien du tout. Et... Non, Bob Marley. Sous les tropiques. D'autant que vous êtes passé par la Jamaïque. D'autant qu'il y a une photo et là, en plus, où on vous voit dans sa maison. Hein. C'était les 50 ans. Il y a une photo où on vous voit avec un gros joint. Oui, il n'y avait pas besoin là-bas. Dans votre ouvrage Fleur Australe, hein, vous êtes parti en famille sous les tropiques. Voilà. Un album avec des photos et des textes de Géraldine Danon. Ça a duré combien de temps votre voyage, Philippe? Parce que pour les enfants, ça doit être génial. Vous êtes parti combien? Oui, là, c'était trois mois. Là, trois mois. Oui, on fait. Ah, mais c'est pas la première fois. Hein, c'est, ils ont. Non. Ouais, là, on revient. L'école buissonnière chez les Poupons, voilà, c'est une loi. Lui, il n'a pas fait l'école buissonnière, mais il fait du reportage buissonnier. Buissonnier. Oui. Buissonnier. C'est à cette heure-ci, Philippe Poupon, le moment. Meurice, Guillaume Meurice, fait du reportage comique d'investigation et il en sort pas mal de choses. Oui, ben moi, je voulais vous dire aujourd'hui combien je suis heureux de participer à cette émission, une émission de race blanche. Bon, on a un Arménien, mais il est un peu palo, donc ça passe. Heureux de faire partie d'un pays de race blanche, mais triste qu'on s'acharne sur cette pauvre Nadine Morano, telle un vulgaire Guy Bedos, celle qui va se faire virer de son parti et dont le général dirait certainement « Nadine outragée, Nadine brisée, Nadine martyrisée, mais Nadine... » Libéré. Oui, j'aime bien imiter des gens morts. C'est mon côté Laurent Gérard. Et j'aime bien les idées réactionnaires aussi. C'est mon autre côté Laurent Gérard. Et Nadine, elle appartient à cette grande famille de la droite réac. Je suis allé à la rencontre des membres de cette famille ce matin. Commençons avec celui qui l'a côtoyé au gouvernement, l'ancien ministre des Transports de Sarkozy, Dominique Bussereau. Qu'est-ce qu'il pense de Nadine? Il y avait un hebdomadaire, je crois, dont le sous-titre à une époque était « Bête et méchant ». C'est pour Nadine Morano que vous dites ça? C'est pour répondre à votre question. Ah d'accord, ça commence bien. Il traite en sous-texte Morano de « Bête et méchante » en prenant comme référence à Harakiri, l'ancêtre de Charlie Hebdo. Un scandale, je lance directement le hashtag « Je suis Nadine ». Rendez-vous sur Twitter. Vous avez vu quelle violence, hein, quelle haine. Moi je suis désolé, mais je préfère l'amour. Jean-François Lamour. Oui, je suis réac, j'aime les blagues à la Jean Roucas. Alors Jean-François Lamour, Nadine Morano est-elle bête? Non mais moi je fais pas des attaques personnelles comme vous êtes en train de le faire. Ah non, c'était une en question. Tout cas, c'est extrêmement mauvais, mais ça c'est une attaque personnelle que vous faites. Ah non, c'est une question. Non, mais c'est une attaque personnelle. Je vous répondrai pas là-dessus, trouvez quelqu'un d'autre. Bon, au moins Jeff, il sait qu'elle est pas con, ma Nadine. Elle voit bien, Nadine, qu'autour d'elle, il y a que des blancs. À l'Assemblée, il y a que des blancs. Dans les conseils d'administration des grandes entreprises, il y a que des blancs. Dans les médias, il y a que des blancs. Bon, pas à France O ni à Radio Latina. On a des réserves, un peu comme les Indiens en Amérique. Mais elle voit bien que ceux qui dirigent le pays, ce sont des blancs. Elle est pas con, la Nadine. Bon, elle est intelligente, comme Thierry Mariani, d'ailleurs. Alors lui, j'étais certain qu'il allait être d'accord avec elle. Parce que souvenez-vous, c'est lui qui avait proposé un test ADN pour le regroupement familial. Donc lui, je savais qu'il aimait bien que les gens se mélangent pas trop, vous voyez. Alors ce pays, il est de race blanche ou pas? Le problème, c'est pas de savoir s'il est de race noire, verte ou jaune. Voilà, il y a toutes les races. L'essentiel, c'est qu'on partage la même chose et qu'on ait envie de vivre ensemble. Il paraît que c'est le général de Gaulle qui avait dit ça, alors. Vous êtes plus gaulliste ? Écoutez, je n'ai pas, hélas, jamais rencontré le général de Gaulle et je ne faisais pas partie de ses entretiens intimes. Voilà, ce sont des propos rapportés par Perfit. Si il a menti, Perfit, alors ? J'en sais rien, attendez. Est-ce que Diogène a menti ? Si ma mémoire est bonne, c'était en 46-47 qu'il aurait tenu ses propos. Diogène ? Non, pas Diogène. Bon, attends. Attends Thierry, attends, que vient faire Diogène là-dedans, putain ? Un mec qui se baladait à poil et qui vivait dans une amphore. Tu veux un pays de punk à chien ou quoi Thierry ? Oh, ressaisissons-nous. Bon, en plus il m'a confié qu'il partait cet après-midi justement avec Nadine Morano. Et où ça ? En Russie, et oui, et avec qui encore ? Je vous le donne en mille et mille. Oui, je suis réac, hein, j'emploie des expressions des années 40. Alors avec qui il part ? Nadine et... Marion Maréchal Le Pen. Et oui, il y a des gens qui ont du bol dans la vie. Et Thierry, il en fait partie. Alors, cette absence de soutien à Nadine, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Thierry ? Ça veut dire que Morano est du même parti politique. J'aime bien Morano, mais pas vraiment en politique. Quand on fait des erreurs, je pense que le mieux, c'est de le reconnaître. Bon, vous allez la voir tout à l'heure, alors vous allez lui dire ? Mais vous savez, quand on a des remarques à faire aux amis, on les fait en privé. Voilà, pas sur une chaîne de télé, ni sur une radio, même si on adore les radios. Oh, merci Thierry, t'es chou. Vous voyez, il nous aime, même nous, Radio Bolshow, il nous aime. Quel beau message. Beau message de paix et de tolérance. Et la tolérance, c'est d'ailleurs la spécialité de Jacques Millard, le fameux député qui avait rendu visite à Bachar el-Assad il y a quelques mois. Et oui, Jacques, il peut boire le thé avec un dictateur sans trembler des genoux. C'est son côté sarkozyste, hein, son côté réac. Alors, Jacques, il est d'accord avec De Gaulle ? Je suis toujours d'accord avec De Gaulle, mais le problème n'est pas là. Il faut pas faire, bah si. Je dirais, non, il ne faut pas faire ce qu'on appelle des erreurs, je dirais, historiques, vu la revisitation de ce qui est l'histoire. Oula, c'est donc, compliqué ça. Mais non, c'est pas compliqué, c'est la vérité. Voilà, merci. Voilà. Bon. Il est parti là-dessus, Jacques. Bon, on n'a pas tout pigé. Ça fait combien de points au Scrabble, revisitation ? Revisitation, il n'y a même pas assez de lettres, je pense. Bon, on sent qu'il y a de l'amour. En tout cas, il y a de la revisitation de l'amour. Finissons même avec un beau message d'amour de Christian Hutin. Il appartient au mouvement républicain et citoyen. Moi, ma mère était fleuriste. Et moi, je trouve très, très beau que dans son magasin de fleurs, il y ait beaucoup de couleurs. C'est beau ce que vous dites. Oh. Je ne sais pas si c'est beau, mais j'espère qu'il y en aura autant dans l'esprit de Mme Morano. Oh, on se calme quand même. Hein. Il ne serait pas en train d'essayer de pécho Nadine devant moi, lui. Non, doucement, Christian. Les femmes réac, c'est mon truc. Les meufs racistes, c'est ma cam. Donc, je pense à vous, Nadine, Marion, Marine et toutes les autres. Je vous aime, bande de connasses. Guillaume Maris. Aïe. Ah oui, c'est vrai que c'est cadeau, on peut. On a le droit. Merci Guy, merci tonton Guy. On est ensemble jusqu'à 18h. Vous avez compris qu'on passe l'actualité à l'essoreuse. On va aborder le deuxième sujet avec vous, Philippe Poupon. Ils sont trop jeunes pour avoir connu 1995. C'est donc une jeunesse derrière Alain Juppé. Alors, qui sont-ils ? Écoutons-les. Vous avez trouvé ça. Tous ensemble. Alain Juppé. Alain. Alain Juppé. J'ai mis beaucoup de mal avec les paroles. Alain Juppé. Vous en pensez quoi, André Manoukian ? Je sais pas. Bon, je vous avoue qu'on a tapé dans Google chanson Alain Juppé, pensant que les jeunes juppéistes avaient fait un clip. Espérant que les jeunes juppéistes avaient fait un clip. Non, mais non. Là, je pense que c'est juste une déconnade d'anonyme. Mais bon, et qu'on salue. Et grand merci. Et qu'on salue. Bon. Alors, est-ce qu'Alain Juppé, qui a le vent en poupe en ce moment, Alain Juppé est en une de Libération aujourd'hui, est-ce que c'est le genre de personnage qui vous rassure, Philippe Poupon ? Apparemment, il rassure les gens. Vous attendiez pas cette question, hein ? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, je ne m'en intéresse pas beaucoup, à vrai dire. Là, je suis un peu perdu dans tous ces personnages. Et qui séduisent les jeunes ? Alain Juppé, Mais ça, c'est quoi ? Ça sort d'où, ça ? Je peux vous dire. Un journaliste. On a des sources. C'est Libération Capitale Jeunesse. Alain Juppé s'est taillé une base solide dans une génération qui n'a pas connu 95 et donc les grandes grèves. Oui. Ah, si Libération le dit, c'est le journal de Rothschild, ils disent la vérité. Apparaît consensuel, c'est pas rassurant. C'est vrai qu'il déclenche pas, il cherche pas la polémique. Oui, un peu mou peut-être, non ? Ah, Ah, ah tiens. Oui. Vous vous intéressez à la politique ou pas non. du tout? Non, non, je suis perdu. Est-ce que je... vous connaissez Maud Fontenoy personnellement? Non, c'est vrai. J'ai entendu parler. Vous, genre à 18 ans, vous étiez déjà à faire des compétitions de voile. Est-ce que c'était aussi une façon de dire j'ai pas envie d'entendre? Oui, c'est ça, j'ai pas envie d'entendre ce qui se passe ici, je préfère aller. Bon, je me suis pas trop posé la question. La mère m'a appelé, m'a pris tout de suite. Et, c'était très sain, c'était très fort. Et, voilà, elle est encore présente. Et fortement dans ma vie. Donc et quand c'est les élections, vous êtes au large, vous faites procuration? J'essaye, oui. Oui, vous essayez, mais vous votez, vous faites une procuration? Ça m'est arrivé, oui, comme quand j'étais là, je me suis dit, tiens, ouais. Un petit... Par exemple, les régionales, c'est pas sûr que vous alliez. Non, je sais pas ce que tiens, ça veut dire. Je rappelle d'ailleurs que vous avez encore peut-être peu de temps, peut-être une heure ou deux, pour vous inscrire sur les listes électorales, pour voter au régional. Si c'est à la mairie, c'est fermé depuis 16h après. Non, parce qu'on peut voter, on peut voter par Internet. Ah. C'est très simple. Vous allez trouver ça via Google, voilà. Et puis avec votre carte d'identité, vous pouvez scanner ou prendre une photo. Un justificatif de domicile, vous pouvez voter. Mais, enfin, et vous les inscrire sur les listes électorales. C'est quand même important, il faut allez-y, le rappeler, Charlie, parce qu'il reste peu de temps. Que, oui. Non, mais voilà. Oui, surtout que vous ne pourrez pas voter pour Nadine Morano. Oui. Voilà. Non, mais c'est. Techniquement, vous ne pourrez pas. Alors, voilà, petit rappel utile, profitez-en. Il y a des gens qui sont morts pour le droit de vote, je vous rappelle. Ça m'énerve. Juliette Arnaud. On l'a senti. On n'a pas voulu vous couper. On l'a senti. Juliette Arnaud, prenons un peu de hauteur aussi avec les livres, Philippe. Voilà, Pompon, alors. Juliette Arnaud. Alors, pensez. Classé, c'est le titre. Georges Perec, c'est l'auteur. Je vous ai choisi, mon cher Philippe, spécifiquement pour vous, Le Grand Voyageur, ce livre-ci, parce qu'il est tout petit, tout fin, il fait moins de 150 pages. Collection livre de poche, c'est pas cher, je l'ai pesé, il fait 124 grammes, je le sais, je l'ai pesé à la poste ce matin. 124 grammes donc, pensée classée. Et ça, c'est pas un détail, hein, 124 grammes pour les gens comme vous qui doivent faire super gaffe à leur bagage, à leur poids. Malheureux que vous êtes, bien obligé de renoncer à l'intégrale de Yann Moix, ralala, quel dommage. Ou à celle encore beaucoup plus lourde de BHL. Je ne parle que de poids, de masse de papier, bien sûr, quoique, bref, c'est pas le propos. Autre avantage, pensée classée, c'est un essai qu'on peut attraper par tous les bouts possibles. Je m'explique. Certes, il y a un début, une fin, mais vraiment, on peut entrer dans la lecture à n'importe quel endroit du livre au hasard et y trouver son compte. C'est un essai, mais pas d'angoisse pour autant, hein. Perec, c'est vraiment le type qui pense et s'interroge sur des choses quotidiennes, familières, des détails, diraient les esprits chagrins. Mais Dieu n'est-il pas dans les détails? Si. Le diable aussi. Mais bien sûr, et le diable aussi d'ailleurs. Ces choses quotidiennes, Perec les tourne, les retourne, mais comme s'il nous prenait hyper gentiment par la main avec cette tendre indécision, par exemple, au détour d'une phrase, il dit « Cette anecdote me paraît significative, mais je ne sais pas exactement de quoi. » C'est mignon. Il oscille toujours entre le plus grand sérieux et le farfelu, ce qui est bien agréable. Alors, le propos général du livre, que me demande-t-on au juste? Si je pense avant de classer, si je classe avant de penser, comment je classe ce que je pense, comment je pense quand je veux classer? C'est tellement tentant de vouloir distribuer le monde entier selon un code unique, une loi universelle qui régirait l'ensemble des phénomènes. Deux hémisphères, cinq continents, masculin, féminin, animal, végétal, singulier, pluriel, droite, gauche, quatre saisons, cinq sens, six voyelles, sept jours, 12 mois, 26 lettres. Malheureusement, ça ne marche pas. Ça n'a même jamais commencé à marcher. Ça ne marchera jamais. Ce livre, mon cher Philippe, il est curatif. Ainsi, hier, à l'occasion d'une nouvelle semaine de la mode à Paris, qui vient de commencer et qui envahissait hier jusqu'au couloir de Radio France, je m'en suis rendu bien compte lorsqu'une fille d'un bon mètre de jambes de plus que moi m'a dépassée, provoquant littéralement un appel d'air, me donnant momentanément l'impression d'être un marcassin. Et là, Perec vint à mon secours. Perec, je le cite, dit « La mode » parle de caprice, de spontanéité, de fantaisie, d'invention, de frivolité. Mais ce sont des mensonges. La mode est entièrement du côté de la violence. Violence de la conformité, de l'adhérence au modèle, violence du consensus social et des mépris qu'il dissimule. Merci Georges. Mais ce qui m'a le plus intéressé, mais vraiment le plus, c'est le passage où il traite des joies de la lecture, dont il nous propose une esquisse socio-physiologique. Ah. Bah oui. Parce qu'on lit dans 1000 positions différentes. Par exemple, on lit chez le coiffeur, toujours des conneries. On lit en mangeant, très dangereux pour les malhabiles. On lit dans son bain, également très périlleux. On lit aux toilettes, le plaisir des rois. On lit avant de s'endormir, etc., etc. Et on en arrive à lire dans les transports, train, avion, voiture, si on veut en profiter pour vomir sur la tête de son frère. Et surtout, Perec insiste bien là-dessus, lire dans le métro, la base. Je me tue à le dire. Je cite Perec. Le lieu où on lit, c'est le métro. Ça pourrait presque être une définition. je m'étonne de ce que le ministère de la Culture se soit pas encore écrié « Cessez, messieurs, cessez de réclamer de l'argent pour les bibliothèques, la vraie bibliothèque du peuple, c'est le métro !» Du point de vue de la lecture, le métro offre deux avantages. Le premier, c'est qu'un trajet en métro dure un temps presque parfaitement déterminé. Ça permet de limiter ses lectures, 2 pages, 5 pages, ceci, cela. Le second avantage, c'est la récurrence bicotidienne et pentahebdomadaire des trajets. Le livre commencé le lundi matin sera terminé le vendredi soir. Et ça, ça c'est de la proposition politique. Voilà, je vous laisse avec quelqu'un qui également a des visions, une vraie tête pensante, elle aussi, Zazie, hein, alors celle du métro, hein, pas celle de The Voice. Zazie qui avait bien compris, celle de Raymond Queneau, hein, et de Louis Malle, bien sûr, oui. Toujours pas celle de The Voice. Qu'on peut mépriser Paris et ses ors, mais certainement pas son métropolitain. Mais enfin, Zazie, si ça te plaît de voir vraiment les Invalides et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon, mon cul, m'intéresse pas du tout cet enflé avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors ? Mais oui, qu'est-ce qui t'intéresse ? Le métro. C'est dit. C'était Juliette Arnaud. Et voilà. Avec Zazie dans le métro. Merci. Rappelez quand même les références oui. du livre, Juliette. Alors, Pensée classée de Georges Perec chez Point Collection Essai. Pensée voilà. / classée. Tout voilà. à fait. 124 grammes, donc qu'on peut emmener sur le bateau. Philippe Poupon, vous emmenez des livres. Il y a une bibliothèque sur votre bateau, oui, sur oui, Fleur Austral. Oui, on peut. On a un bateau qui est un bateau d'expédition, donc on a tout le matériel et entre autres une bibliothèque, oui. Et vous faites école à vos enfants quand vous partez ? Oui. 4 heures par jour. Oui, oui, c'est pas nous les parents, mais on en prend un équipier, une équipière qui leur font l'école. Ah, voilà. Ouais, alors, simple. On va aborder le troisième sujet avec vous, Philippe Poupon, s'ennuyer au travail. On a pris un sujet où je pense que vous êtes assez loin, mais justement, votre regard sera intéressant là-dessus. S'ennuyer au travail, c'est un mal pour lequel il existe désormais un nom, le bore-out. Quand le boulot ou l'absence de boulot au travail est so boring, hein, le travail est le miroir dans lequel on s'évalue maintenant. Avant, c'était la famille, maintenant, c'est le travail. Donc, quand on n'en a pas beaucoup, c'est pas qu'on n'en a pas, c'est qu'on en a, mais qu'on s'y ennuie. Eh bien, regardons dans le miroir du voisin. Pour le chauffage, ils ont un peu tendance à chauffer à mort. Alors ce que je fais, moi, je le mets sur 2. 2, c'est bien. C'est largement suffisant. Alors ce qui concerne les dossiers, il ne faut pas se tromper. Hein. Il y a les jaunes, les bleus, les rouges. Même chose pour le fichier informatique. Ils sont assez tatillons là-dessus à la Commission européenne. Ah, ça, pour ça, ça ne rigole pas. Hein. Faut de l'ordre. Hein. Chaque chose a sa place et une place pour chaque chose. Pas vrai, monsieur Bernard? Un extrait de l'auberge espagnole. Alors vous, Philippe Poupon, qui êtes navigateur, est-ce que vous pouvez imaginer qu'il existe un mal, celui de s'ennuyer au travail, et qui apparemment concerne 30% des salariés qui chôment plus ou moins au sein de leur boulot? C'est un phénomène dont on vient de mettre un nom dessus, donc on le découvre. 30%, on les a, hein, c'est magnifique. Vous êtes tellement loin. Le monde de l'entreprise, vous le regardez sous quel œil ? Ben, je ne suis pas tombé dedans. J'ai eu la chance de ne pas être tenté d'y aller, c'est sûr. Vous vous dites que c'est une chance d'y avoir échappé ? Ben, pour moi, oui. Je sais pas, j'étais voué à autre chose, sûrement. Mais bon, je ne suis pas le seul, heureusement. Mais voilà, je crois que oui, ce burn-out ne m'inquiète pas trop pour l'instant, c'est sûr. Dans vos traversées en solitaire, est-ce qu'il vous arrive de vous ennuyer ? Parce que des fois, il n'y a pas de vent. Enfin, on appelle ça le poteau noir. On s'emmerde, voilà. On s'emmerde vraiment. Ça vous arrive ? C'est long et tout. Il n'y a personne. voilà, donc vous êtes victime de bore-out quand c'est la pétole. Ouais. Voilà, oui. Non, mais c'est dur, hein, la voile. Pas facile. Alors, on est dans ces cas-là, vous êtes dans la contemplation. Vous chopez un livre. Qu'est-ce que vous faites ? Oui. Ah, on regarde, on écoute le chant des sirènes. Vous pouvez engueuler un enfant aussi, comme vous en avez fait. Ah oui, on peut les frapper. Oui, voilà. Personne, le voisin. Je ne sais pas vous le proposer. Non. Le voisin ne viendra pas taper à la porte. Et c'est ça. Ouais, on est alors, tranquille. Il y avait une double page dans Libération, c'est la fête à Libé aujourd'hui. C'est dans Libération d'hier qui met un mot sur ce mal au travail. Et s'ennuyer au boulot pousse certaines personnes même à voler le travail des autres. Ils s'ennuient tellement que... voilà, je vous le dis. Où on en est. Vous savez combien de personnes travaillent à Radio France, Philippe Poupon ? Ici, dans le grand fromage. Une sur deux. Voilà. Alors... C'est pas gentil. On va vous faire un petit peu d'autodérision. On va vous faire j'aurais pu dire La Poste, mais j'ai choisi Radio France, que voulez-vous. On va vous faire travailler un petit peu, Philippe Poupon. Oui. Et oui, en fin d'émission, c'est toujours le sketch avec l'invité, donc je vous propose de jouer le rôle de Philippe Poupon. Ça va aller. Alors, je vous explique le concept, parce que l'idée, c'est que Europe Écologie Les Verts, ça va pas bien. Donc, ils sont tous venus sur votre bateau pour faire une traversée ensemble. On va voir ce que ça donne. Juliette Arnaud, c'est Barbara Pompili. Charlie, c'est Emmanuel Cosse. Guillaume Meurice, c'est Jean-Vincent Placé. Je fais Cécile Duflo. Et Philippe Poupon, c'est Philippe Poupon. Qu'est-ce qu'on fout là? Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est François Drugy qui a sauté. Oh non, encore un de moins! Oh là là, il va toucher le fond. T'inquiète, il a l'habitude. Ah. Non, mais c'est comme j'avais dit, je comprends toujours pas pourquoi on est partis tous ensemble en multicoque. Mais c'est une allusion à la photo que j'ai faite avec une poule, c'est ça? Mais tu crois vraiment que tout tourne autour de toi? Ah, je savais que c'était une mauvaise idée de vous accepter sur mon bateau. Non, mais je vous promets, on va se calmer, je vous promets. Moi, je suis plus à l'aise en solitaire de toute façon. Ben, vous allez nous expliquer, parce qu'à mon avis, on va s'y retrouver en solitaire. Au prochain port, je vous dépose tous. Non mais attendez, faut nous aider. Hein. Le réchauffement climatique, la montée des eaux, vous vous en foutez ou quoi? Bah, la montée des eaux, un peu, oui. Ah bah, et voilà. Monsieur n'est pas sensible à l'écologie. Assassin! Calme-toi, Emmanuel. Et évite de te lever, j'ai pas envie qu'on chavire non plus. Oh, j'en ai marre du chacun pour soi, alors là, bravo. Excusez-moi, mais pour donner des leçons, vous êtes mal placé. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il faut donner des leçons? On a besoin de moi, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va, merci Jean-Vincent. Ah bon? Oh, regardez, à tribord, c'est quoi? On dirait un pédalo. Ah, c'est un pédalo. C'est François Hollande. Je suis là. François, j'arrive. Ah, mais ils veulent sauter par-dessus bord. Il est... Effectivement, il est con. J'en étais sûr. Les rats quittent le navire. Moi, je suis deg. Mais moi, je crois que je vais gerber. Vous avez pas un sac biodégradable? Allez, salut. Mais Barbara! Ah, bah, on a l'air malin, mais alors, Philippe, on compte sur vous, hein. Ah non. Moi, je vais vous supporter. Mais on est plus que deux, là, non? Attends, je compte. Un, deux... Il n'y a aucune des deux qui est capable de skipper ce bateau. Et voilà, ça se passe. Vous n'auriez jamais abandonné un bateau, Philippe, je le conçois, mais non, c'était pour le sketch. Ah, je ne sais pas, un bateau avec tous compris. Les verres. Vous pourrez réécouter en podcast l'émission pour comprendre le sketch, Philippe Poupon, dans lequel vous avez joué. Merci. Je rappelle la sortie de l'ouvrage écrit par Géraldine Danon avec toutes les photos. Vous l'embrasserez de notre part. Oui, mais elle s'excuse. Elle est au cinéma. Oui, on vous avait invité à deux. On travaille de temps en temps aussi. C'est vrai. C'est un ouvrage. Problème du burn-out. Ah, écoutez, on lui posera la question là, au prochain album. Fleur Australe, donc c'est le nom de ce bel album avec des photos et des textes. C'est publié chez Gallimard, En famille sous les tropiques, avec les photos de famille de Philippe Poupon. Oui, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Et voici le mot de la fin. On le laisse à Emmanuel Macron et à sa vision du fonctionnaire. Il est très, très vert. Mais arrête, Jean-Pierre, je suis en train de vomir.